bonne fin de week-end sur Espace à 18h le dimanche, c'est Funky Mix. Bienvenue, 120 minutes de pur son funk sur la plus normande des radios. Funky Mix fait son show. Funky Mix. Funky Mix. Funky Mix. I love New York. Le show Funky Mix. Ne cherchez pas, c'est la plus grande émission funk sur Espace en Normandie, en Picardie, avec Savannah. C'est un groupe anglais là que je vous ai sélectionné 1982. Dans un instant, c'est Imagination, extrait d'un album extra topissime. 1982 également pour le deuxième album d'Imagination. J'ai extrait une petite merveille. Ce sera pour vous juste après Jimmy Bourne sur Espace. Bienvenue. Funky Mix sur Espace. Espace. some flair. Most people got no cash. Yeah. Espace. Je mixe pour vous non-stop. Alors franchement, installez-vous. Tempeur, Tavares, Sylvester et Deodato. Là, c'est pour l'année 84. Ça démarre tout de suite et c'est pour vous. Espace. Funky Mix. La première émission dance classique. Thank you. This is Soul Disco Funk. Funky Mix. Thank you. never felt the same as you do in my arms. What money cannot do, I do for you with charms. Don't do me no favors, baby. Don't do me no favors, baby. Cause you're about to break my heart, baby. I do my best to give you what you really need. Can you convince me that your love is guaranteed? Passe avec No Favors. Ce groupe s'appelle Tamper, 1984. Ça marquait toute une génération qui sortait dans les boîtes à ce moment-là. Funky Mix. C'est le moment d'écouter Joe Batane, Geraldine Hunt pour les plus gros classiques Funky Mix et Barry White, numéro 1 sur la soul, tout de suite en mode cool tempo. You heard it in England, you heard it in France. The music's bound to make you dance. The music is good and sounds terrific. Written in Chinese and hieroglyphics. It's got a new beat and I want you to know it's a new thing I call Misty Soul. Just clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Just clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Get on the Funky Mix beat. Funky Mix. Espace, c'était le début de la musique funk qui démarrait 1980 précisément. Ici, c'est l'historique de la musique funky. Soyez les bienvenus, l'émission s'appelle Funky Mix. Écoutez cette sélection que j'ai faite pour vous. Earth, Wind & Fire, Sky, Fatlaris Band et un remix spécial de Michael Jackson, un titre qu'il avait fait dans les années soul disco. Farewell My Summer Love sur Espace. L'Eden Rock et l'Esprit Live à Ponto de Mer. Venez vous régaler avec une cuisine du monde, burgers, chili, tapas, ribs, mais aussi des bières originales et inattendues et de la musique très rock'n'blues.

La première émission de Dance Classique. La première émission de Dance Classique. La première émission de Dance Classique. Fun qui mix. Funky Mix. I'm Espace, la plus funky des radios, je reviens tout de suite là avec toute la musique funk que vous aimez. Les meilleurs titres sont ici. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le dimanche 18 novembre. Ce soir sur TF1, coup de boule, coup de genou, bagarre à gogo, Independence Day, résurgence pour débuter la soirée et Batman vs Superman, l'aube de la justice en seconde. France 2 Floride, une comédie dramatique avec Jean Rochefort et Sandrine Kimberlin, l'histoire d'un vieil homme qui s'entend très bien avec sa gouvernante. Sa fille vit aux États-Unis en Floride, lui est atteint de la maladie d'Alzheimer, donc il oublie beaucoup de choses, mais sa gouvernante passe beaucoup de temps à s'occuper de lui, avec une idée derrière la tête, l'emmener en Floride. 22h55, un jour un destin, Laurent Delahousse et sa mèche rebelle nous proposent ce soir une rediff de l'émission consacrée à Jean Rochefort, comme c'est pas mal cette idée, cavalier seul. France 3, les enquêtes de Vera toute la soirée avec que des rediffs. Canal, PSG Lyon, équipe féminine, hein. Attention, là, il y a moins d'oseille, mais elles ont plus de panache à certains moments tout de même. 23h50, J+1 débrief tout le week-end féminin. Arte, Mia Madre, un film, un drame italien. Donc ça va forcément crier fort. Est-ce que vous avez déjà vu un film italien où il n'y a pas de disputes et des cris ? Non, c'est comme les moustaches de votre grand-mère, c'est indissociable. M6, zone interdite, on parle de famille avec le projet de toute une vie, construire la maison de ses rêves. 23h10, Nanar est dans la téloche, enquête exclusive. Tension radicale aux États-Unis, le retour des vieux démons. Le meilleur de la TNT, C8, l'excellente série Lucifer, toute la soirée avec uniquement des inédits. France 5, un super reportage, un documentaire inédit sur le parfum, les secrets du Made in France, car nous sommes quand même les champions dans ce domaine. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Restez avec nous, cet espace. Merci de nous avoir choisi pour ces soirées que vous passez ensemble ou pas. Je ne sais pas, vous êtes peut-être seul. Eh bien, je vous accompagne. C'est le moment d'écouter Aston Funk, Earth, Wind and Fire et Dayton sur Espace. Thank you. Funky Mix. Funky Mix. C'était le début des années dance. Dance. We'll be right back. 19h, on fait juste un petit breaking news avec l'info internationale et nationale sur Espace, la plus normande des radios et le retour de Funky Mix dans un instant. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le dernier bilan de la mobilisation d'hier, selon les décomptes officiels, ils étaient 287 710 manifestants à travers la France, répartis sur 2034 sites. Christophe Castaner a également tenu à faire le point sur les différents incidents qui ont été maillés la journée de samedi. 409 personnes ont été blessées dans ces manifestations, dont 14 grièvement, le plus souvent par des automobilistes qui ont cherché à forcer les barrages. La grogne continue ce dimanche, au lendemain d'une journée de protestation qui a réuni donc plus de 287 000 gilets jaunes contre l'augmentation de la fiscalité sur le carburant, selon le ministère de l'Intérieur. Les manifestants continuent de bloquer des routes un peu partout en France ce dimanche, dans environ 150 lieux, selon Christophe Castaner. La nuit a été agitée sur certains sites, avec quelques 3 500 personnes restées mobilisées sur 87 lieux différents, a rapporté le ministre de l'Intérieur. Dans le reste de l'actualité, Marine Le Pen se dit favorable à l'ajout d'un prénom français pour les naturaliser. Comme le député Les Républicains Julien Aubert, la présidente du Rassemblement National aimerait voir les immigrés, je cite, « se doter d'un prénom adapté à la culture nationale ». Fait divers à Marseille, 10 personnes aspergées d'acide par une femme SDF. Les victimes étaient attablées à la terrasse d'un bar et ont été légèrement blessées. Les victimes souffrent de blessures superficielles. La femme mise en cause a été interpellée. La situation en Californie avec ces terribles incendies. Un nouveau bilan fait état de 76 morts alors que Donald Trump s'est rendu hier à Paradise, une ville dévastée par les flammes. Le bilan de l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie s'est encore alourdi. Par ailleurs, le nombre de personnes disparues est passé à 1276. On passe au rugby avec les tests match d'automne et belle performance des Bleus. Le 15 de France s'est imposé face à l'Argentine, 28 à 13. Et puis rallye, Sébastien Ogier est champion du monde pour la 6e fois. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. Get on the Funky Mix beat. Funky Mix. Get on the bed, get on the bed, give me love, give me all that you got. Funk music. Funky Mix. Listen to Funky Mix. Getting down, but actually, how low you can go. So here's to your health now. It's- Espace. En 81, ce titre faisait partie des sons qu'on écoutait en boucle. Hamilton Buenon, les stars de dance. Oui, oui, et là vous vous dites, mais je le connais pas celui-ci. Eh bien, l'émission sert à ça. On découvre les sons des années 80 et notamment en musique funky, soul, disco. Earth, Wind and Fire, vous connaissez évidemment ce groupe. Ça arrive juste après Melba Moore et Rise, tout de suite sur Espace. Funky Mix. Funky Mix. So cold, and no matter how long it takes, we're gonna change. Espace, Earth, Wind & Fire, et là on comprend quand même la dimension de ce groupe qu'ils avaient inventé. Ils avaient inventé ce son un peu particulier, mythique vraiment ce groupe. Lime, Kate Miller, c'est dans les inédits, Bambi, Pointer Sister, tout ça, ça va être mixé juste après Frankie Smith. C'est un gros classique, mais juste avant on écoute Dancing Dancing, c'est par Blackbirds sur Espace. My heart. Your bus fare transpass, that's the way, mom. Et hop, une brochette de son en non-stop, là pour vous, Cashflow, Pointer Sister, Bambi, et là c'est Cat Muller. Découvrez, vous êtes sur Espace et c'est Funky Mix l'émission. Espace, la plus funky des radios. Espace Cashflow était ici. Je vous ai sélectionné ces sons-là, rien que pour vous. Evelyn King arrive, Love Come Down, Didi, c'est Easy Money et c'est tout de suite qu'on écoute ça ensemble. Funky Mix. La première émission dance classique. Funky Mix Show. Funky Mix.

You find so